Le Caprice par Frédéric Boutet. À la terrasse d'un café des boulevards, dans une douceur brumeuse d'après-midi tiède, Monsieur Plotin père et Monsieur Plotin fils, qu'on appelait Doudou, étaient assis côte à côte. Ils se ressemblaient autant qu'un enfant de 8 ans et un homme de 50 ans peuvent se ressembler. Ils avaient le même genre de vêtements confortables et chers, le même air de richesse et de bonne santé. Monsieur Plotin lisait un journal. Doudou regardait les passants avec une moue d'enfant gâté qui s'ennuie et cherche un caprice. Il tira son père par la manche. « Papa, Doudou. » Monsieur Plotin avait tourné la tête avec un peu d'anxiété. Il se trouvait bien là et craignait que Doudou ne voulût s'en aller. Il avait toujours gâté ses enfants, surtout celui-là, venu tard. Et maintenant que son autre fils, Georges, qui avait 22 ans, était à la guerre, il ne savait plus rien refuser à Doudou. « Je veux des pailles, comme le monsieur d'à côté, pour boire mon sirop, » dit Doudou. Il les eut. Monsieur Plotin reprit son journal. Ce fut pour peu de temps. « Papa, Doudou, voilà qu'il pleut. Ici, on est à l'abri, c'est amusant. Regarde la grosse dame qui traverse. Dis donc, est-ce qu'il pleut aussi, là où il est à se battre, Georges ?» Monsieur Plotin dit non, à tout hasard, et se remit à lire. Doudou, vexé, s'essaya d'un air rechigné à faire des jets d'eau avec ses pailles et arrosa un voisin qui protesta. Tout à coup retentirent des accents discordants. Devant la terrasse, indifférent à l'averse, nu-tête, son chapeau sous le bras gauche, sa main droite sur le cœur, un gamin d'une 10aine d'années, vêtu de velours brun élimé, chantait de toutes ses forces, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, et avec une énergie si déterminée qu'il en était pourpre, et qu'on se demandait comment un tel volume de voix pouvait sortir de sa poitrine maigre. Des passants s'arrêtèrent. M. Plotin posa son journal. Doudou avait lâché ses pailles. Quand le gamin eut fini sa chanson, à laquelle on ne pouvait comprendre un seul mot, son chapeau à la main, il se glissa entre les tables. M. Plotin lui donna 50 centimes et l'interrogea pour l'édification de Doudou. « Dites-moi, mon petit ami, n'avez-vous donc pas de parents pour qu'on vous laisse vagabonder ainsi ?» Le gamin eut un regard de côté, mais il fut poli, pensant qu'un monsieur qui donnait 50 centimes avait droit à quelques égards, même quand il se mêlait de ceux qui ne le regardaient pas. « D'abord, je ne vagabonde pas. Je chante pour amuser le monde, il n'y a pas de mal. »« Sans doute, mais vous seriez mieux à l'école, » dit M. Plotin avec conviction. « Ça se pourrait, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Il y a maman qui s'est foulée la cheville, alors elle ne peut pas aller travailler. Alors il faut bien que je me dégrouille. Excusez. « Je vais en pousser une autre. » Il recommença aussi fort qu'avant. Sa figure redevint pourpre. Ses accents furent aussi discordants. Lorsqu'il eut jeté son dernier cri, il repassa parmi les tables et M. Plotin ne crut pas pouvoir faire autrement que de lui redonner 50 centimes. « Merci beaucoup, » dit le gamin avec une grimace d'allégresse pour Doudou. « Vous êtes amateur à ce que je vois. Je chante bien, n'est-ce pas ? Il s'agit de crier fort et en mesure si on peut. » Sans s'occuper des paroles. Alors ça va. Avec vos 20 sous, ça me fait 56 sous que j'ai fait depuis midi, ajouta-t-il tout joyeux. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là? Demanda M. Plotin. Oh, je vais vous dire, c'est pas pour maman ni pour moi. Nous, on s'arrange toujours. Mais c'est mon frère Auguste qui est là-bas dans l'Est. Alors, faut bien lui envoyer des trucs, pas, hein? Et c'est pas bon marché. Alors, de temps en temps, je chante comme ça aux terrasses des cafés chics. D'autant plus ce mois-ci que maman, elle peut rien gagner. Ça se pourrait pas qu'il ait rien, Auguste. Et vous parlez si je suis content quand je porte son paquet rue du Boulois. Au revoir, monsieur. Merci bien. Je file. Il me faut encore 25 sous. Avant que M. Plotin eût le temps de porter la main à sa poche, il s'était éloigné parmi la foule. M. Plotin reporta son regard sur Doudou. Celui-ci restait assis, très sage, l'air absorbé. M. Plotin reprit son journal. Il était plongé depuis quelques minutes quand, tournant les yeux, il sursauta. La chaise auprès de lui était vide. En même temps, de faibles sons rauques et plaintifs frappèrent son oreille, et il reconnut la voix de Doudou. Il bondit. Il vit, devant l'autre extrémité de la terrasse, Doudou, debout, rouge foncé, son chapeau sous le bras, la main sur le cœur, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, chantant. M. Plotin, suffoqué, courut, le saisit. « Petit malheureux, qu'est-ce que tu fais là ? Laisse-moi, je te dis !» Doudou trépignait. Je veux faire comme le petit garçon. Je veux chanter pour gagner des sous. » Mais tu es fou. Pourquoi faire des sous? Tu as tout ce que tu veux. C'est pour envoyer des trucs à Georges. Le petit garçon, il envoie à son frère. Je veux envoyer au mien. Mais envoyer quoi? Nous lui expédions tout ce qu'il faut, tu le sais bien. Enfin, puisque ça te fait plaisir, tu vas choisir toi-même ce que tu veux pour lui. Il en sera très content. Tiens, voilà 20 francs. Mais Doudou, enragé, trépignait de plus belle. C'est pas la même chose! Cria-t-il. J'en veux pas de tes 20 francs, je veux chanter aussi, je veux de l'argent que j'aurais gagné. Monsieur Plotin resta déconcerté. C'était le premier caprice de son fils que sa fortune ne lui permettait pas de satisfaire. Frédéric Boutet.